Jusqu'au 21 avril 2024, la Fondation Cartier pour l'art contemporain présente Le souffle de l'architecte, une exposition inédite de Bijoy Jain, fondateur du studio Mumbai et figure incontournable de la scène architecturale indienne. Dans cette création totale explorant les liens entre l'art, l'architecture et la matière, il déploie, en dialogue avec le bâtiment de Jean Nouvel, un espace de rêverie et de contemplation. Une expérience physique et émotionnelle à vivre à la Fondation Cartier. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Comme souvent le vendredi, nous allons essayer d'analyser l'actualité avec philosophie. Voici notre sujet d'aujourd'hui, la gauche et les paysans. La gauche et les paysans, c'est un sujet lié bien sûr au mouvement social des agriculteurs en France et ailleurs en Europe depuis plusieurs jours. Les partis de gauche ne semblent pas toujours très à l'aise face à ce mouvement, ce qui renvoie à plusieurs problèmes. En voici quelques-uns, mais c'est juste une entrée en matière, un certain nombre d'hypothèses, puisque précisément, nous souhaitons discuter de tout cela ce matin. Il y a une tension assez indéniable, me semble-t-il, entre projet écologiste et situation des agriculteurs. Il y a le fait qu'en France, en tout cas, le monde agricole ne vote guère à gauche, il faut quand même le rappeler. Il y a peut-être aussi un leg historique, une certaine méfiance envers la paysannerie, souvent imputée à Karl Marx notamment. Cela tombe bien, nous venons de faire une série sur Marx cette semaine, d'une certaine façon nous la prolongeons ce matin. Il reste à savoir si la position de Marx n'est pas simplifiée volontiers sur ce sujet, nous soulèverons cette question dans cette émission. Pour discuter de la gauche et des paysans, j'ai le plaisir d'accueillir une philosophe habituée de nos vendredis sur l'actualité, Apolline Guillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégée de philosophie et journaliste à Philosophie Magazine. Bienvenue aussi à Stathis Kouvelakis, bonjour. Bonjour. Vous êtes un philosophe spécialiste de Marx et vous connaissez particulièrement bien le sujet de la paysannerie dans les écrits de Marx. Enfin, avec nous depuis Lyon, bonjour Edouard Lynch. Bonjour. Bienvenue, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Lumière Lyon 2, spécialiste de la paysannerie française au XXe siècle. Revenons donc sur cette crise du monde agricole qui s'est exprimée ces derniers temps en France et en Europe, avant d'analyser ici la réaction des mouvements et partis de gauche. Panneaux déboulonnés et refixés à l'envers, la campagne de communication de ces agriculteurs le clame, on marche sur la tête. Ils ont comme objectif de nous imposer jusqu'à 65% de réduction de phytosanitaires. Et si c'est imposer des contraintes pour imposer des contraintes sans solution, clairement on n'y arrivera pas de toute manière. Des inquiétudes s'ajoutent, le tout alors que commencent d'autres négociations sur les tarifs agricoles cette fois, et elles sont menées par la grande distribution qui fait de la baisse des prix son étendard. Ils vont mettre la pression sur les industriels, et les industriels vont répercuter ces baisses de prix sur nos produits agricoles. Une autoroute bloquée avec des murs de paille. L'action des agriculteurs près de Toulouse ne passe pas inaperçue et a bloqué plusieurs heures la circulation. Ici débute le pays de la résistance agricole. Mêmes images en Ariège, là aussi des tracteurs à l'arrêt et une détermination. Là, on fait notre survie. Sinon, on est mort. Les agriculteurs du coin doivent se relayer pour les blocages, car il faut bien retourner au champ. David Lavenant, un céréalier, s'est levé aux aurores pour manifester, et sa journée de travail peut maintenant commencer. Ses revenus ont chuté de moitié. On ne lâchera pas tant que le Premier ministre ne viendra pas avec des mesures concrètes. Aujourd'hui, c'est un jour de sursaut que je veux. C'est un nouveau chapitre qu'il faut ouvrir pour l'agriculture française. Et il démarre aujourd'hui. Et surtout, ce chapitre, on va l'écrire et le construire ensemble. Il a beaucoup parlé pour pas dire grand-chose. Le produit marketing était pas mal, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans le produit. C'était leur but. Les entrepôts de Rungis, visitez. En fin d'après-midi, des dizaines d'agriculteurs pénètrent dans le marché de Rungis. Ils sont évacués par les forces de l'ordre. Au total, 79 personnes interpellées pour être placées en garde à vue. Aux quatre coins de l'Europe, l'exaspération monte. Des G2 par centaines et des tirs de mortiers d'artifice au pied du Parlement européen. Nous, ce qu'on veut, c'est être entendu. Donc pour être entendu, on va tenir le temps qu'il faudra. Aller à l'affrontement, on n'est pas là pour ça. Vous entendez tous les klaxons là ? C'est les gens qui nous encouragent à continuer, alors qu'on les emmerde. C'est quand même la première fois qu'on connaît ça, Néon. Alors, ça donne pas envie de continuer, ça ? France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Et vous venez d'entendre un ensemble d'extraits sonores sélectionnés et montés par notre réalisateur Riyad Kera. Des mesures ont été annoncées hier par le gouvernement. On verra ce que cela produira. Mais revenons à cette colère des agriculteurs elles-mêmes, à ces causes, mais aussi à ces éléments déclencheurs. Qu'est-ce qui a déclenché cette colère sur un mode particulièrement aigu ces dernières semaines ? Il semble y avoir dans la colère un évident problème de revenus, de pauvreté. Édouard Lynch, vous connaissez très bien la paysannerie au XXe siècle en France. La question des rapports avec les distributeurs est une question ancienne. Ça a souvent été tendu dans l'histoire des agriculteurs. Est-ce que c'est particulièrement difficile, plus dur que jamais, pour les agriculteurs depuis quelques mois, puisque nous sommes en période d'inflation. Tout le monde veut faire baisser les prix, à la consommation bien sûr, et donc on peut se dire qu'à l'achat, au moment de l'achat des produits aux paysans, là il y a une pression tout à fait singulière qui s'est installée depuis quelques mois. L'explosion de la crise en ce début d'année, il est le résultat de la conjonction de facteurs un peu structurels de long terme, hein, de difficultés qui s'accumulent. La question des tensions avec les distributeurs, on la connaît depuis longtemps. On a eu les tentatives de régulation avec les lois Egalim. Donc c'est vraiment un problème structurel de l'agriculture à partir du moment où on est sorti. Il faut quand même s'en souvenir, hein, d'un cadre régulé qui était celui de la politique agricole commune, avec des prix d'intervention qui permettaient une certaine stabilité. Ça, depuis une vingtaine d'années, c'est fini. Je dirais la libre concurrence, hein, la liberté de contractualisation, elle pèse sur les agriculteurs. Alors, ce qui est difficile à résumer, bien sûr, c'est que on l'oublie trop souvent, hein, c'est la très très grande diversité du monde agricole, des produits, des circuits de distribution, des circuits d'achat, qui fait que selon les années, les agriculteurs peuvent avoir des contrats favorables, d'autres années des contrats moins favorables. Ce qui est clair, c'est que cette année, la pression inflationniste que l'ensemble de la société a connue a aussi frappé de plein fouet les agriculteurs, qui consomment aussi évidemment des carburants, de l'énergie, des matières premières, et qui se sont retrouvés là dans une équation extrêmement difficile, en tout cas dans un certain nombre de secteurs, et c'est sans doute un élément clé dans le déclenchement de la crise. La diversité du monde agricole, je crois, Stathis Kouvelakis, que vous souhaitez souligner ce point, vous qui êtes un grand lecteur de Karl Marx, et en son temps déjà, au XIXe siècle, en France, puisqu'il s'est intéressé à la paysannerie française des années 1840, ce point était tout à fait essentiel. Le monde agricole n'était pas homogène, il ne l'est toujours pas. Oui, bien sûr. Marx souligne que, en fait, dans la paysannerie, il y a plusieurs classes sociales. Bien entendu, cette situation varie beaucoup selon les pays. En France, à cause de la Révolution française, et c'est vraiment un peu le modèle que Marx a en tête quand il parle politique, il sait que les paysans ont eu accès à la terre, justement. Et donc, c'est la paysannerie parcellaire qui domine en France, une paysannerie petite, moyenne, on va dire, hein, de son époque. La deuxième chose qui est importante pour Marx, c'est que Marx comprend que l'agriculture n'est pas un secteur économique facilement digérable ou intégrable dans le capitalisme, en fait. Donc les lois du marché ne peuvent pas s'appliquer, en fait, dans l'agriculture. Si elles s'appliquaient, il n'y aurait pas de production agricole, en fait, parce que la rentabilité a toujours été plus faible. Donc c'est un secteur dans lequel l'État a toujours... parce qu'il y a une énorme immobilisation de capitaux. Marx a tout de suite compris qu'en fait les taux d'égalisation des taux de profit, qui sont valables entre les branches industrielles, ne sont pas valables, en fait, pour l'agriculture. l'agriculture. L'agriculture, c'est une énorme immobilisation de capitaux, avec une rentabilité toujours plus faible que la moyenne. Donc les lois du marché ne peuvent pas vraiment s'appliquer. Quand elles s'appliquent, c'est toujours au détriment de l'agriculture. Et donc, des mesures protectionnistes, par exemple, ont toujours été la règle. On a souvent, dans l'histoire, en France en particulier, depuis la Troisième République, c'est des choses qu'Edward Lynch connaît bien sûr très bien, c'est le protectionnisme qui a permis à la paysannerie française de subsister beaucoup plus longtemps que dans d'autres pays capitalistes développés, l'Angleterre par exemple, que Marx avait en tête, avec aussi l'accès à la terre bien sûr, le fait que la grande propriété féodale terrienne a été démantelée sous la Révolution et la terre commercialisée. Mais la terre, c'est pas un capital, c'est pas un capital au sens de Marx, c'est pas le produit du travail, c'est pas quelque chose qui peut être valorisé de la même manière qu'un capital qui est investi dans l'industrie. Il y a une spécificité très forte de l'agriculture qui génère toutes sortes de problèmes que le capitalisme n'a jamais vraiment pu résoudre. Edouard Ça, c'est Lynch, très important, je crois. Merci, c'est une analyse importante. Edouard Lynch, vous confirmez que, au fond, il y a quelque chose de non rentable. C'est ça que vous venez de dire, Statis Kouvelaki. Selon les règles classiques. Selon les règles classiques du capitalisme, dans l'activité agricole, quelque chose qu'on sait depuis longtemps et qui exige depuis longtemps des mesures protectionnistes. Vous confirmez cette analyse, vous qui êtes historien de la paysannerie au XXe siècle, Edouard Lynch? Alors, on peut y voir effectivement une lecture économique par rapport à ces mécanismes qui viennent d'être rappelés. On peut aussi y voir une lecture politique de ces nécessités du protectionnisme, parce que il faut pas oublier que jusqu'à la première moitié du XXe siècle, l'agriculture pose la question de la subsistance de la population, et que produire, c'est aussi nourrir l'ensemble de la population, et qu'il faut donc surveiller attentivement la capacité des producteurs à nourrir en cas de crise, ou plus largement de façon structurelle. Donc le protectionnisme et les mécanismes d'aide au marché qui vont se multiplier dans les années 30 et puis dans les années 50 doivent aussi être lus comme une réponse politique à assurer des prix d'abord des denrées alimentaires et en plus des denrées alimentaires à bas prix, parce que c'est ça qui est très intéressant, c'est que au-delà de, une fois qu'on assure la nourriture de la population, il faut aussi que les prix soient abordables et protéger les classes moyennes, voire les classes populaires, contre la hausse des prix. Et donc il y a toute une série de mécanismes qui sont mis en place par l'État, sous pression aussi des agriculteurs, pour encadrer, aider, soutenir les marchés. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs encore aujourd'hui, avec tout ce débat, ces réclamations contre les formalités, les paperasses. Ben oui, mais ces formalités, ces paperasses, c'est aussi le fruit d'une politique économique qui fait que 70% environ des revenus des agriculteurs en moyenne viennent de la PAC. Donc on est dans une agriculture très encadrée, très très structurée, qui est normalement protégée, protégée notamment par la PAC. Mais vous avez l'air de dire que il y a même quelque chose de peu sécurisé, malgré tout, pour les agriculteurs, dans un cadre européen où il est vrai que le protectionnisme est limité. Il y a quand même des produits qui arrivent d'ailleurs. Je trouve ça philosophiquement très intéressant. Apolline Guillot, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a comme ça des mouvements sociaux. On se dit, mais il y a un problème structurel depuis longtemps. Le mouvement social, il aurait pu avoir lieu l'année dernière, il y a 5 ans, parfois il a déjà eu lieu. Et tout d'un coup, ça explose. Et c'est vrai que l'analyse est un peu prise de court, parce que tout de suite, on va vers des causes structurelles. Et donc, c'est difficile de dire pourquoi en ce moment. Alors, il y a peut-être la question des normes et des taxes, on va y venir. Mais vous voyez, philosophiquement, on se dit, mais il reste toujours une énigme quant au facteur déclenchant vraiment d'un mouvement social. C'est difficile de le dire, mais effectivement, je pense que la réponse, la campagne européenne qui commence, le fait que l'Europe est un peu a cristallisé un petit peu les tensions, c'est pas totalement neutre. Et là, on parlait de l'intégration de l'agriculture dans le capitalisme, mais l'intégration de l'agriculteur dans la démocratie pose aussi question, parce qu'il y a une époque où l'agriculteur, il était maire de sa ville ou de son village, il avait un véritable rôle politique local. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, tout simplement parce qu'on est passé de 1/3 de la population active à 3 ou 4%. Donc c'est vrai qu'il y a une moindre représentation, et donc une impression d'avoir des normes qui sont prescrites, un travail qui est prescrit et qui n'est pas délibéré en commun à partir du travail réel, quoi. Et je pense que c'est ce décalage et ce problème de la représentativité d'un travail qui très largement est devenu invisible aux citoyens qui vit dans la cité d'ailleurs, qui est urbain. Par définition, le citoyen, c'est celui qui n'a pas d'attache, qui peut périodiquement aller voter, qui peut, on l'entend très bien d'ailleurs dans l'extrait, celui qui va aller manifester puis retourne après à son champ parce qu'en fait, il ne peut pas s'offrir le luxe de participer à la vie politique de manière constante et décrocher pendant une semaine. Sinon, il se tire une balle dans le pied. Alors, il y a un point qu'il faut qu'on évoque avant de passer à la réaction des partis et mouvements de gauche face à ce mouvement social des agriculteurs. C'est la question des normes et des taxes nouvelles. Parce que dans les éléments déclencheurs, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il s'est passé deux, trois choses. Il faut rappeler qu'en Allemagne, la colère des agriculteurs est partie d'une réforme de la fiscalité du diesel agricole qui avait été décidée par le gouvernement d'Olaf Scholz. En France, était prévue pour 2024 une hausse de 20% de la redevance pour pollution diffuse, la RPD. Le gouvernement vient finalement de la supprimer. Et devait aussi entrer en vigueur au 1er janvier 2024 la suppression de l'avantage fiscal qui existait depuis 3 ans, qui avait été prolongé d'un an sur le gazole non routier GNR. Donc là, on touche quand même à un point qu'il faut mettre sur le tapis pour l'analyse, Edouard Lynch, c'est que il y a des, par la fiscalité, des envies de mettre une pression pour une production plus écologique, ça passe par des taxes, et quand ces taxes arrivent, ça coince. Là, il y a quand même une tension structurelle pour le coup depuis quelque temps entre la perspective écologiste, les mesures fiscales qui accompagne ces perspectives et la situation des agriculteurs. Alors, c'est, l'historien peut apprécier le regard rétroactif, parce que la question de la fiscalité, d'une façon générale, a toujours été un élément central dans les révolutions paysannes, sous l'Ancien Régime déjà, et à l'époque moderne et à l'époque contemporaine, voilà, la fameuse taxe sur les impôts et les fenêtres, qui a joué un rôle très important dans les révolutions de 1830 et 1848. On a eu aussi des mouvements. On peut penser au mouvement des bouilleurs de crue aussi, qui a été un élément qui a agité les campagnes. Donc il y a une dimension fiscale. L'agriculteur est très sensible, et on notera par exemple que on aime bien mettre des pétards et voire des explosifs près des bâtiments administratifs, et notamment des perceptions. C'est dans l'imaginaire rural, c'est très très intéressant. Bon, donc il y a cette idée qu'il y a une surréaction souvent par rapport à la fiscalité, qui est toujours très mal perçu, ou en tout cas perçu comme quelque chose d'assez illégitime. Alors, pour revenir à votre question plus sérieusement, enfin, c'était sérieux ce que j'ai dit, mais par rapport à cette question des normes environnementales, oui, c'est sans doute une nouveauté du mouvement d'aujourd'hui, c'est qui vient effectivement nourrir cette question environnementale, vient nourrir une colère paysanne qui avant ne prenait pas ce chemin. Alors moi j'ai tendance quand même à penser que il y a au-delà de l'exaspération des agriculteurs une certaine forme aussi d'instrumentalisation politique de la part de la FNSEA qui depuis très longtemps a fait de ce levier anti-environnemental un des moteurs de sa position politique et a emporté le gouvernement avec lui. On voit très bien que dans les solutions qui sont proposées aujourd'hui, celles qui touchent les revenus des agriculteurs sont finalement beaucoup moins importantes que celles qui visent à l'arrêt des mesures environnementales. Donc je pense que c'est effectivement un nœud aujourd'hui d'une transition écologique ou de l'agriculture qui est en débat et sur lequel ça bout une partie des syndicats, oui. En tout cas les syndicats majoritaires. Alors, donc cette petite musique, évidemment anti-mesures environnementales que vous venez d'évoquer, qu'elle soit celle des agriculteurs eux-mêmes ou de certains de leurs représentants syndicaux, évidemment est une des raisons pour lesquelles la gauche n'est pas toujours à l'aise face au mouvement social des agriculteurs. Alors essayons de comprendre justement, d'analyser cette réaction de personnalités de gauche. Il me semble que, bon, lorsqu'elle évite le sujet écologique et se concentre uniquement sur le problème des revenus, des rapports des agriculteurs avec la grande distribution, de la pauvreté du monde agricole, quand elle se concentre uniquement là-dessus, la gauche est plutôt à l'aise. Exemple. Je soutiens la colère, je partage la colère de cette profession très large. Et si, pour se faire entendre, ils doivent monter jusqu'à la capitale et sous cette forme-là, je le soutiens parce qu'aujourd'hui, la colère est très profonde. Elle n'est pas nouvelle en plus. Et ils n'ont malheureusement pas d'autres moyens pour se faire entendre. Et je dirais que, à mon avis, il y a peu de choses pour que les Français les rejoignent, parce qu'il y a aussi beaucoup de colère chez les Français qui risquent, eux, de voir leur facture d'électricité augmenter, etc., etc. Donc, la coupe est pleine pour beaucoup de monde. C'était Fabien Roussel, vous l'avez, je pense, reconnu, sur France TV Info le 29 janvier. Fabien Roussel, qui relie, on l'entend, la colère des agriculteurs aux difficultés de nombreux autres Français, espérant unir toutes ces colères. Aujourd'hui, on a une mobilisation des agriculteurs qui est juste, qui est saine, et qui en plus fait de manière, enfin globalement, très largement, pacifique, familiale, hein, autour des barbecues, sur les autoroutes. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi ils ont peur de tous ces barbecues autour de Paris, c'est plutôt sympathique. Eh bien, on pourrait tous s'y retrouver. On pourrait avoir une mobilisation populaire, citoyenne, autour de nos agriculteurs. Vous appelez l'ensemble des Français à aller les soutenir sur les points de blocage. J'appelle à la convergence des colères. Convergence des colères, c'était Fabien Roussel à nouveau le 31 janvier sur BFM TV. Alors forcément, le point de vue est plus délicat lorsqu'il vient d'une gauche soucieuse d'écologie, en tout cas de manière explicite. La gauche écologiste peut-elle en effet se réjouir que des mesures fiscales écologistes aient fini à la faveur de ce mouvement social des agriculteurs par connaître un moratoire ? Écoutez Sandrine Rousseau. Il y a vraiment un truc où il n'y a aucune espèce de réponse. C'est-à-dire, c'est pas en diminuant de 4 mois à 2 mois l'application de quelque chose que ça va radicalement changer la situation des agriculteurs. Ça n'est pas en diminuant et en pointant l'ensemble des normes environnementales qu'on va gérer le problème, en fait. Là, on a un problème de revenus. On a des gens qui ne mangent pas. On a des gens qui sont en train de se suicider. Donc, je dirais, enfin, moi, je veux bien tout entendre, mais c'est pas les annonces qui viennent d'être faites qui vont diminuer le taux de suicide chez les agriculteurs. Ça n'est pas vrai. C'était le jour des premières annonces de Gabriel Attal, Sandrine Rousseau, donc, qui s'exprimait là sur France Info TV. Apolline Guillot, c'est intéressant parce que elle fait droit dans sa réponse ou dans son propos à la souffrance des agriculteurs où il y avait un taux de suicide important, etc. Et en même temps, elle souligne que proposer un moratoire sur certaines mesures environnementales, c'est pas une solution. Mais on voit bien que derrière, il y a aussi, on va pas attendre des années avant de mettre à l'œuvre des mesures nécessaires. Le moratoire ne la satisfait pas, Sandrine Rousseau, parce que ce qui fait l'objet du moratoire, elle est plutôt pour, et donc on va pas juste attendre. Elle est pas à l'aise. Enfin, il me semble qu'elle n'est pas à l'aise. Bah, je pense qu'il y a un malaise aussi qui vient de ce que, comme on l'a déjà dit, les revendications ne sont pas unifiées, que les revendications de la FNSEA ne sont pas celles de la Confédération paysanne qui est plus orientée à gauche. Donc c'est un peu normal de se positionner politiquement contre la satisfaction de ces demandes-là. Je pense qu'il y a aussi, à mon avis, un malaise qui vient du fait qu'il y a eu un arrimage à l'énergie fossile qui s'est fait à partir des années 30 jusqu'aux années 70, petit à petit où l'agriculture s'est vue obligée, contrainte d'obéir à des normes qui étaient également imposées par le haut d'industrialisation, de productivité, et que là, l'urgence écologique fait qu'on doit procéder un peu de la même manière, ou en tout cas qu'on a procédé de la même manière, c'est-à-dire en imposant par le haut des mesures qui sont formelles, mais qui ne trouvent pas vraiment d'écho dans les pratiques. Et il y a peut-être ce malaise vient de cette symétrie entre une violence qui est vécue par les agriculteurs et qui ne trouve pas vraiment de justification. Alors, il y a quelque chose qui ne transparaît pas dans les sons et dans le commentariat qu'on écoute autour de cette question. C'est que le modèle, pour parler d'écologie, le modèle productiviste et destructeur de l'environnement, il est surtout le fait de la grande agriculture industrialisée, qui est précisément celle que représente la FNSEA. Je veux dire, la FNSEA, ce qui est fondamental pour comprendre en France, c'est que l'État a co-géré avec la FNSEA la modernisation de l'agriculture française française dans un modèle totalement productiviste, capitaliste, qui favorise les grands producteurs, hein, les grands céréaliers, les grands betteraviers, etc. Le modèle agro-industriel, c'est ça qui a été, et ils ont co-géré la disparition de la petite paysannerie qui est prise à la gorge, et en même temps, la FNSEA a été longtemps reconnue comme le seul représentant, en fait, du monde agricole par l'État, en marginalisant complètement la représentation des syndicats paysans de gauche. Et là, on voit que le modèle de la FNSEA, en fait, a condamné la petite et moyenne paysannerie française, impose un modèle qui est destructeur pour l'environnement, et c'est pas eux qui vont payer la facture, ou très peu, parce que pour les grands producteurs, finalement, ces taxes pèsent, mais beaucoup moins que pour les petits et les moyens producteurs qui sont pris à la gorge, d'où aussi le mécontentement à l'égard de la FNSEA qu'expriment des fractions du monde agricole. On le voit avec la coordination rurale, par exemple, bon, qui est très très hétérogène dans son orientation politique, ou bien par la gauche paysanne qui est minoritaire mais qui existe et qui en France actuellement s'exprime essentiellement à travers la Confédération paysanne et dans une moindre mesure par le MODEF, qui est un syndicat proche du Parti communiste mais qui est très faible. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en même temps, dans d'autres interviews, les représentants des écologistes ont à cœur de préciser qu'ils ne soutiennent pas seulement certains agriculteurs, qui ne font pas des visites, par exemple en Bourgogne, c'était le cas de Marine Tondelier, uniquement aux fermes bio. Et quand une journaliste de France Bleu Bourgogne lui dit « Mais est-ce que vous vous intéressez aussi aux grandes fermes à 300 vaches ?» Marine Tondelier dit « Oui, oui, absolument, je conçois que pour eux aussi c'est difficile. » Et je voudrais justement faire référence ici à cet entretien, parce qu'à un moment de cet entretien, de Marine Tondelier sur France Bleu Bourgogne, il y a eu ceci. On avait Jacques Deloisy, le président de la FDSEA 21 tout à l'heure dans le journal de 7h. Il nous a dit que les agriculteurs étaient les premières victimes, les victimes du changement climatique. Et que la solution, d'après lui, c'est pas de les contraindre, c'est de les aider justement pour stocker du carbone. Vous lui répondez quoi à Jacques Deloisy? Il a entièrement raison. Et en fait, aujourd'hui, le principal problème des agriculteurs, c'est un problème de revenus. Vous voyez, en un an, le prix auquel ils vendent leur production a baissé de 9%. Donc c'est des revenus en moins alors que les charges explosent, ça on le sait tous. Et dans le même temps, le prix auquel vous, moi, nous achetons au supermarché d'alimentation a augmenté de 7%. Ça veut dire qu'au milieu, c'est les marges de la grande distribution de l'agroalimentaire qui explosent, plus 80% hein, en 18 mois. Et donc on est tous les dindons d'une même farce. Et quand je vois qu'on avait choisi au gouvernement de taxer le GNR, le gazole non routier, donc avec lequel ils font fonctionner leurs tracteurs. Quand on parle de fiscalité incitative, normalement, c'est pour aider à changer de comportement. Exemple, on dit, on va augmenter le prix du paquet de cigarettes, comme ça, les gens seront incités à arrêter de fumer. Mais l'agriculteur avec son tracteur, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va pas moissonner en vélo. Il va pas tout d'un coup se dire, j'achète un tracteur électrique. Ça commence à exister, mais c'est encore très rare, très cher, très inaccessible. Et donc, on piégeait les agriculteurs. On les condamnait à payer puisqu'ils n'avaient pas d'autre choix que de payer plus cher sans alternative. Et ça, c'est pas ça l'écologie. Mais l'écologie telle que nous on la conçoit, elle est indissociable de la justice sociale. Elle doit être juste pour être acceptable. L'écologie faite par les macronistes, pour le coup, c'est l'inverse et ça marche pas. C'était Marine Tondelier, secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts sur France Bleu Bourgogne le 31 janvier. Nous parlons ce matin de la gauche et des paysans. Je suis en compagnie d'Edouard Lynch, d'Apolline Guyot et de Stathis Kouvelakis. Bon, moi, je suis très étonnée de ce propos. Très bien, la fiscalité incitative peut être très violente, c'est ce que vient de dire Marine Tondelier. Mais est-ce que vous avez entendu les uns et les autres qu'avant le mouvement social, la gauche écologiste disait non, il faut absolument pas enlever l'avantage fiscal sur le gazole non routier, c'est pas bien, c'est pas ce qu'on veut, nous on veut une autre sorte d'aide écologiste. Est-ce que vous avez entendu les écologistes dire avant le mouvement social qu'il ne faut pas de hausse de la redevance pour pollution diffuse, bref, qu'il ne faut pas installer ces mesures fiscales parce que c'est trop dur pour les agriculteurs? J'ai vraiment l'impression que c'est une fois le mouvement social parti que les écologistes disent « mais on n'a jamais voulu ça, c'est pas du tout comme ça qu'on voit les mesures écologistes ». Vous entendez la même chose que moi, Pauline Guillot, ou il y a juste moi? Et je pense que la gauche a pas attendu ces revendications-là pour parler du sujet de l'agriculture. Ça, par contre, ça fait des années qu'on dit que pour qu'on défossilise l'agriculture, il va falloir augmenter le nombre d'agriculteurs, les accompagner plus dans la transition. le faire de manière beaucoup plus encourageante et pas simplement par des sanctions, par des contraintes. Donc je pense qu'il y a des un manque de peut-être de pluralisme aussi dans la manière dont l'agriculture est représentée démocratiquement, qui fait qu'il y avait des voix qui se faisaient déjà entendre. Et qui proposait effectivement peut-être que sur ce sujet-là de la taxation, il n'y a pas eu de. Moi, je les ai jamais entendu dire. Il faut maintenir l'avantage fiscal sur le gazole routier. Mais sur tout un tas d'autres sujets, sur des modèles alternatifs d'organisation, sur ce qui est possible de faire localement, j'ai l'impression qu'il y avait quand même de l'effervescence et de l'activité. Donc, je pense que effectivement, s'il n'y a pas eu d'expression sur ce sujet particulier, ça ne veut pas dire que par ailleurs, il n'y avait pas déjà une conscience des progrès à faire ou des alternatives possibles, quoi. Édouard Lynch, qu'est-ce que vous en pensez? Les mesures écologistes, elles sont variées, ça c'est certain, mais les mesures incitatives fiscalement n'étaient pas contestées auparavant par les écologistes. Non, mais parce que je pense qu'effectivement le débat il est ailleurs, il est dans l'inversion finalement du paradigme sur lequel est construit les aides agricoles, c'est-à-dire que ce pour lequel se battent quand même, me semble-t-il, les écologistes depuis un certain temps, c'est de réorienter de façon massive les aides agricoles vers les systèmes vertueux, et c'est bien cette réorientation massive qui est la clé d'une révolution agro-écologique qui est bloquée par les organisations majoritaires et la FNSEA, parce que elle vient briser des intérêts qui sont établis depuis très longtemps et qui dépassent même, je suis pas tout à fait d'accord, enfin la vision de réduire la FNSEA à la grande céréaliculture est un peu excessif, parce que le modèle industriel il descend très loin, y compris dans la petite et la moyenne exploitation, autour de l'investissement en capital, autour de l'usage des intrants, y compris dans l'élevage bovin, avec toutes ses conséquences en termes environnementaux. Donc il y a un vrai système sur lequel s'est construit l'agriculture depuis les années 1950, qui a fait consensus, au sein de laquelle les agriculteurs, on trouverait une vraie fierté, et ça on pourrait y revenir, hein, c'est-à-dire pour la première fois dans leur histoire, ils se sont sentis les maîtres de leur propre développement, et il est clair qu'aujourd'hui on leur demande une nouvelle injonction de changer de système, mais on leur donne pas les moyens. Ouais. C'est-à-dire que tout l'argent qu'on a mis pour la révolution silencieuse dans les années 50-60, ça a été considérable de la part de la puissance publique. Aujourd'hui, la puissance publique dit, en tout cas il y a une petite musique qui dit oui, il faut changer de système, mais en fait on réaffecte pas les moyens, et on vous demande effectivement par des injonctions de type fiscal de changer. Mais c'est pas comme ça qu'on le fera. Donc au fond, le vrai problème, c'est que nous n'avons que la fiscalité pour agir, pour faire des mesures environnementales. Et là, les écologistes, ce qu'ils disent, bon, normalement, ils sont plutôt pour agir aussi par la fiscalité, il m'avait semblé, mais ils disent, si c'est ça seulement, ça ne peut pas marcher. Et donc, nous ne sommes pas d'accord de faire ça seulement, il faut les aider autrement et davantage, il faut un autre modèle agricole. Oui, c'est. Je crois que moi, je suis d'accord avec ce que Édouard Lynch a dit, y compris la nuance qu'il a apportée par rapport à la FNSEA. Je rappelle tout de même que l'actuel président de la FNSEA est l'exemple type du gros céréalier de la Beauce, hein. Mais il a tout à fait raison. C'est vrai. C'est effectivement le système agro-industriel pénètre très profondément, rend des petits et moyens producteurs extrêmement dépendants, extrêmement endettés d'ailleurs. Hein. Et ce modèle s'est mis en place. Il a permis une certaine maîtrise de la part d'une partie de la paysannerie au prix de l'élimination des 9/10 de la paysannerie quand même, hein. Il faut voir ça aussi. Alors, l'essentiel, c'est le prix. C'est la régulation, la suppression de l'interventionnisme sur les prix, donc, et les traités de libre-échange, hein, qui instituent, qui changent quand même complètement les règles du jeu. Alors la FNSEA aujourd'hui qui approuve les traités de libre-échange, elle veut en même temps soutenir enfin un mouvement agricole qui demande justement la fin de traités de libre-échange, surtout avec des pays où les normes écologiques et les normes de protection d'une certaine façon de l'alimentation ne sont pas valables. Voilà. Alors maintenant je voudrais qu'on pose la question plus fondamentale du soutien aux agriculteurs de toutes sortes. Il est vrai que beaucoup de gens de gauche ont dit maintenant il faut vraiment les soutenir. parfois, on a l'impression que c'est en précisant oui et au même titre que d'autres classes qui souffrent et que nous soutenons plus évidemment. Je voudrais que vous écoutiez cette intervention de Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV. C'est l'insistance sur le fait que les agriculteurs ont eux aussi besoin d'être soutenus qui m'intéresse particulièrement. C'était le 28 janvier. Il faut faire une nouvelle agriculture encore, hein, sauf si vous acceptez que l'agroalimentaire continue à se gaver sur le dos des paysans et ensuite s'arranger avec ses bons amis de la grande distribution pour se gaver sur le dos des consommateurs. Si les prix agricoles à la base baissent de 10% et qu'ils augmentent de 10%, ça fait qu'au milieu, ils ont pris 20%. Et comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un sur votre propre plateau, a dit « Est-ce que vous savez que poser un litre de lait dans un rayon de supermarché, ça rapporte plus à celui qui le fait qu'à nous qui produisons le litre de lait ?» C'est cette aberration à laquelle il faut mettre fin. Pour ça, il faut un nouveau modèle agricole. Écoutez-moi les paysans, pendant un temps, ça se discutait. Ce sont les paysans qui ont inventé des mesures socialistes qui n'ont pas existé ailleurs. Par exemple, les coopératives pour avoir du matériel en commun. Hein. Tout à l'heure, j'ai entendu un responsable de la FNSEA parler d'une nouvelle confiance à établir. Eh ben, je lui donne raison. On a besoin d'avoir une nouvelle conscience. C'est pourquoi on s'aperçoit qu'on a des intérêts communs. Les paysans ne veulent plus du libre-échange. Nous non plus. Et je vais vous dire, la preuve existe par l'expérience paysanne elle-même qu'on peut faire autrement. Pendant un temps, ça se discutait, dit étrangement Jean-Luc Mélenchon, suggérant que le soutien aux agriculteurs est conditionnel. Il rappelle à ce moment-là qu'il y a eu quand même des mouvements de gauche dans la paysannerie. Il a besoin de le rappeler en évoquant donc plusieurs expériences et certainement un peu celle de la Confédération paysanne. Je voudrais que vous fassiez, disons, le décryptage de cette manière de rappeler le passé de Jean-Luc Mélenchon, s'il vous plaît, Edouard Lynch. J'ai pas été convaincu par l'extrait. Hein. J'ai peut-être pas été attentif, mais j'ai pas trouvé ça très clair dans son appel ou dans ses références. Mais bon, je vais quand même essayer d'y revenir. Voilà, je pense que peut-être ce qu'il veut exprimer, c'est que il y a eu effectivement des moments où la gauche a parlé ou en tout cas a mobilisé effectivement le monde rural, hein, c'est vrai quand on voit aujourd'hui le Lot-et-Garonne pris en charge par la Confédération, par la coordination rurale et par un leader dont les positions idéologiques sont quand même très réactionnaires, pour pas dire un petit peu plus. Voilà, on a du mal à se souvenir que le Lot-et-Garonne a été la patrie de Renaud Jean dans les années 20, de la naissance de la CGPT, la Confédération Générale des Paysans Travailleurs, et qu'elle prônait effectivement un modèle de solidarité des petits exploitants, des petits agriculteurs, en solidarité avec les ouvriers. Donc il y a eu des expériences, hein, de collaboration et de participation à des expériences nouvelles, collectives. Il y a eu des moments aussi d'intervention sur les marchés de protection des agriculteurs. On peut penser par exemple à, évidemment, la création de l'Office du blé en 1936. Voilà, donc ces moments entre guillemets d'un lien fort entre la gauche et la paysannerie ont existé, et ils ont même persisté ensuite, hein, dans les années 50 et les années 60, voire les années 70. On pourra peut-être y revenir. Alors justement, s'il faut rappeler qu'ils ont existé, c'est bien sûr, et on l'entend très fort, que la paysannerie aujourd'hui n'est pas considérée, ou le monde agricole, comme particulièrement à gauche. C'est peut-être pour ça qu'il faut rappeler le passé. Ce qui rappelle que la gauche a toujours eu un peu de mal avec le monde agricole, n'a pas toujours été convaincue qu'il était de son côté, et que Marx lui-même, en tout cas, encore en 1852, dans le 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte, disait que ce ne sera pas une classe révolutionnaire, ce n'est pas sur elle qu'il faut compter. Et donc ce n'est pas tout à fait un hasard si c'est elle qui a mis Louis-Napoléon Bonaparte au pouvoir. Je vous propose d'écouter ce texte célèbre de Karl Marx, donc dans le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte. De même que les Bourbons avaient été la dynastie de la grande propriété foncière, et les Orléans, la dynastie de l'argent, les Bonaparte sont la dynastie des paysans, c'est-à-dire de la masse du peuple français. Les paysans parcellaires constituent une masse énorme dont les membres vivent tous dans la même situation, mais sans être unis les uns aux autres par des rapports variés. Leur mode de production les isole les uns des autres, au lieu de les amener à des relations réciproques. Ainsi, la grande masse de la nation française est constituée par une simple addition de grandeurs de même nom, à peu près de la même façon qu'un sac rempli de pommes de terre forme un sac de pommes de terre. Dans la mesure où des millions de familles paysannes vivent dans des conditions économiques qui les séparent les unes des autres et opposent leur genre de vie, leurs intérêts et leur culture à ceux des autres classes de la société, elles constituent une classe. Mais elles ne constituent pas une classe dans la mesure où il n'existe entre les paysans parcellaires qu'un lien local et où la similitude de leurs intérêts ne crée entre eux aucune communauté, aucune liaison nationale, ni aucune organisation politique. C'est pourquoi ils sont incapables de défendre leurs intérêts de classe en leur propre nom, soit par l'intermédiaire d'un parlement, soit par l'intermédiaire d'une assemblée. Ils ne peuvent se représenter eux-mêmes. Ils doivent être représentés. Leurs représentants doivent en même temps leur paraître comme leur maître, comme une autorité supérieure, comme une puissance gouvernementale absolue, qui les protège contre les autres classes et leur envoie d'en haut la pluie et le beau temps. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Ces développements de Karl Marx sur la paysannerie française dans les années 1850, ces développements sont-ils l'une des racines de la difficulté de la gauche avec la paysannerie? Qu'est-ce que vous en pensez, Statis Kouvelakis, vous qui êtes un spécialiste de Marx? Oui, non, je ne crois pas qu'il faut rechercher les racines de la difficulté de la gauche dans tel ou tel texte de Marx. Par contre, le texte de Marx est utile pour comprendre ce qui s'est joué dans l'histoire française au cours du 19e siècle. Alors, vous l'avez dit, ce texte est écrit en 52. Louis-Napoléon Bonaparte a donc conquis le pouvoir en s'appuyant essentiellement sur une masse paysanne. Et là, il faut rappeler que c'est un développement qui prend Marx, mais aussi tous les révolutionnaires, les démocrates de son époque, complètement par surprise. La dernière des choses à laquelle il s'attendait quand les révolutions de 48 éclatent, c'est qu'elles connaissent justement un dénouement de ce type. Et là, il faut rappeler que ce qui a rythmé, ce qui a scandé le développement des révolutions de 48, c'est que justement la France rurale, la France paysanne, vote massivement pour les partis de l'ordre. Il y a un célèbre extrait de Tocqueville dans lequel il dit comment lui-même a été élu député sur une vague justement monarchiste. Et le suffrage universel, au lieu de donner une majorité, on va dire progressiste, républicaine, démocrate, voire socialiste, comme l'espéraient, le pensaient les révolutionnaires et les républicains d'ailleurs de l'époque, pas seulement les socialistes, donne au contraire une majorité extrêmement conservatrice. Donc il y a la racine de ça. D'un nouvel empire de Louis-Napoléon, le Second Empire est assez lié pour Marx. Pourquoi? Parce que Napoléon, le nom de Napoléon a une puissance magique pour la paysannerie française parcellaire, parce qu'elle exprime justement le fait que la Révolution et le régime napoléonien lui ont permis l'accès à la terre, la constitution de cette paysannerie parcellaire. Alors ce que dit Marx dans cet extrait, qui a parfois été lu de façon aussi un peu simplifiée, les formules sont plus nuancées en fait. Quand on regarde dans le détail. Hein. Mais ce que veut dire Marx, c'est que cette paysannerie parcellaire a une homogénéité, celle qui domine la paysannerie française, il y a une homogénéité de conditions, mais elle ne peut pas être un acteur politique autonome au niveau national. Hein. Il y a toujours une très grande fragmentation locale de la paysannerie. C'est quand même un sac de pommes de terre, dit-il, c'est-à-dire des gens qui ne formeront jamais une unité de classe, oui, affirme alors, Marx. La paysannerie, dans son ensemble, hein, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle ne peut pas atteindre le degré d'homogénéité et d'autonomie politique que le salariat ou la bourgeoisie, d'ailleurs. Hein. De ce fait, la paysannerie va servir toujours de force d'appoint à d'autres classes sociales. L'exemple pour lui, c'est la Révolution française, hein, qui a été une grande révolution paysanne, parce que la bourgeoisie, justement, a fait alliance avec la paysannerie, lui a permis l'accès à la terre pour abattre l'aristocratie et l'ancien régime. Alors, on a souvent dit que Marx sous-estime l'autonomie politique de la paysannerie, dans cet extrait en particulier. Il souligne cependant que, et dans le même livre, hein, dans le Duvivier-Brumaire, que sans l'alliance entre les couches urbaines, et notamment la classe ouvrière et la paysannerie, il n'y a aucune chance pour qu'un processus révolutionnaire puisse réussir dans des nations paysannes comme la France. Hein. Dans le même livre, d'ailleurs, Marx dit que sans la voix de la paysannerie, le cœur révolutionnaire va se transformer en solo funèbre. Et donc, il saisit bien le problème, et pour lui, le problème essentiel d'une révolution, mais plus généralement d'un régime républicain démocratique en France, sera l'alliance entre les urbains, les couches urbaines, notamment la classe ouvrière et la paysannerie. Je rappelle que les républicains français et la Troisième République se sont confrontés au même problème, hein, et ont essayé de le résoudre en gagnant la paysannerie au régime républicain, à travers l'éducation, à travers un régime protectionniste par la suite, et en diminuant le poids de l'Église, qui est joué aussi énormément. Ce que Marx sous-estime dans cet extrait en particulier, les historiens lui ont reproché, c'est qu'il y avait des secteurs de la paysannerie qui étaient contre Napoléon Bonaparte et qui étaient pro-républicains, notamment dans le sud-ouest de la France, et que Marx ne le voit pas assez justement là-dedans. Mais ce sur quoi il met l'accent, c'est qu'il y a une fragmentation politique de la paysannerie qui l'empêche d'avoir un degré d'autonomie et que ce n'est pas une classe qui est porteuse d'un projet de société alternatif en tant que telle, même si c'est une force sociale qui joue un rôle énorme dans les processus révolutionnaires, dans les mouvements sociaux et d'une façon générale dans les équilibres politiques des pays européens et d'une façon générale aussi. Apolline Guillot, les moments de gauche, les mouvements de gauche au sein de la paysannerie ont toujours, ou le mouvement agricole, dans le milieu agricole, ont toujours voulu souligner qu'on ne pouvait pas s'arrêter précisément à des analyses comme celle de Marx ici, qui était qu'il y a des forces très conservatrices dans le monde agricole. Mais on sent bien cette tension. Est-ce que vous pensez qu'elle perturbe encore la gauche d'aujourd'hui, sachant que les études électorales nous disent qu'aujourd'hui, le monde agricole vote quand même essentiellement pour LR et pour le RN. Donc, il y a quelque chose qui demeure, non, un siècle et demi après, de cette difficulté de la gauche avec le monde agricole? Ce qu'on lit dans le texte, c'est aussi que ce qui pose problème, c'est l'isolement des exploitants les uns par rapport aux autres. Et je pense qu'il est, c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y a quelque chose d'assez actuel dans le fait qu'avec l'obligation d'avoir des parcelles de plus en plus grandes pour être rentable, on a effectivement un isolement qui est très mal vécu et qui rend difficile le sentiment de faire partie d'une communauté, d'avoir un impact sur son espace local. Et c'est pour ça que là aujourd'hui, la gauche, elle va plutôt se prononcer en faveur, pour des raisons écologiques, mais aussi politiques, d'une diminution de la taille des exploitations, peut-être de faire du paysan un ambassadeur d'une nouvelle manière de se rapporter au monde, qui est très difficile à percevoir depuis la ville, alors que pour le paysan qui est tributaire toujours de la terre, qui a quasiment une dette toujours à payer et qui doit travailler avec une nature avec laquelle il va dialoguer, qui n'est pas un producteur au sens pur et dur du terme, peut-être que c'est, alors même que la gauche pouvait avoir un problème avec l'agriculture, moi j'ai l'impression que peut-être que demain il y aura justement quelque chose qui va jouer avec les agriculteurs en première ligne des changements climatiques qui les affectent. On parlait il y a deux semaines du réarmement démographique de la fertilité, mais là il y a un problème de fertilité des sols qui fait que du coup productivité et fertilité rentrent en concurrence. On va avoir une productivité qui va être obtenue au détriment de la fertilité sur le long terme et une plus grande dépendance aux intrants. On voit qu'il y a une sécheresse en ce moment en Espagne. On voit qu'avec les crues dans le nord, il y a effectivement un changement climatique qui va être de plus en plus perceptible par les agriculteurs en premier lieu. Et donc je pense que là il y a quelque chose qui va peut-être se jouer dans les prochaines années. Et l'épouvantail de l'écologie, je pense, c'est une tentative, bien sûr, qui est politique et partout en Europe, mais je pense que ça va précéder quelque chose de plus sympathique et de plus naturellement orienté vers les agriculteurs dans la gauche d'aujourd'hui. Et plus démocratique, j'espère. Et bien sûr, tout à l'heure, vous disiez la confiance, la nécessité de faire confiance aussi aux agriculteurs et doit être réinstallée. Sachant que quelqu'un doit payer la facture quand même, hein. C'est toujours la question principale. Et c'est qui va payer la facture, sous quelles conditions? Edouard Lynch. Oui, c'est alors on a balayé beaucoup de choses effectivement hein, depuis le 19e siècle, puis on revient vers l'écologie. Alors effectivement, il a été rappelé hein, qu'il y a quand même le soulèvement de 1851, des départements quand même qui se lèvent en masse, hein, plus que finalement que les départements urbains, qu'il y a aussi voilà, ces luttes républicaines très importantes, hein, même si on se souvient aussi de la fameuse phrase de Crémieux, majorité rurale, honte de la France, hein, en 1871, suite à l'élection de la nouvelle Assemblée nationale et de la défaite de 70. Donc il y a ce malaise hein, qui est aussi le malaise des républicains, le malaise des socialistes. Moi, je voudrais revenir sur la période de l'entre-deux. Hein, je pense que ce qui a aussi contribué à rendre difficiles les relations entre la gauche et le monde agricole au XXe siècle, hein, c'est dans le prolongement du marxisme, en tout cas c'est la lecture, alors peut-être guédiste, je ne sais pas, du marxisme et une logique assez ouvriériste hein, qui a construit le socialisme comme celui du salarié exploité et qui collait mal avec la réalité de la petite et de la moyenne exploitation paysanne, y compris d'ailleurs de non-propriétaires, hein, les fameux fermiers et étayés, mais qui se sentaient plus des exploitants que des employés ou que des salariés. Et donc, le socialisme, puis le communisme hein, en France, on bataillait ferme pour essayer de se créer des alliés au sein de cette masse paysanne, et notamment hein, du côté de ces petits, hein, de ces petits fermiers, de ces petits exploitants. Ils y ont réussi. En jouant hein, notamment sur cette opposition entre les petits et les gros, ils ont construit quand même un capital électoral hein, qui était non négligeable pendant toute la période de l'entre-deux-guerres et même après. Donc je pense qu'il n'y a pas une malédiction hein, de la gauche avec le monde paysan. Voilà, il y a des stades successifs. Il oui. est clair qu'aujourd'hui c'est compliqué hein, parce que on dit bah oui ils votent tous à droite, mais combien d'agriculteurs aujourd'hui, hein, on est dans des nombres dérisoires, enfin en tout cas par rapport à la masse de l'électorat, mm-hmm. Ça correspond effectivement aussi à cette évolution qui a transformé les agriculteurs dans la réalité et dans leur imaginaire en patrons, en petits exploitants indépendants, voilà, qui ont du mal à se retrouver dans cet héritage d'une lutte des classes, voilà, qui ne parviennent pas à s'appliquer. Alors c'est d'autant plus intéressant ce que vous dites sur le fait qu'il n'y a pas de malédiction que Marx lui-même, Stathis Kouvelakis, vous qui en êtes un philosophe spécialiste de l'œuvre de Marx, Marx lui-même a évolué sur la question de la paysannerie et notamment peu avant sa mort, un an avant, en 1882, quand il préface avec Engels l'édition russe du manifeste du Parti communiste, il suggère qu'il y a notamment en Russie, grâce à un mécanisme que vous allez nous expliquer, des formes de propriété commune au sein du monde agricole dans lesquelles il place beaucoup d'espoir. Et là, c'est vraiment une classe progressiste qu'il semble toucher du doigt et plus du tout le sac de pommes de terre des paysans parcellaires désunis et plutôt force de réaction qu'il saisissait encore 30 ans plus tôt. Oui, alors le dernier Marx va comprendre que l'histoire, notamment l'histoire à l'échelle mondiale, ne va pas suivre le cours des pays qu'il avait en tête, notamment l'Angleterre et la France au début. Avant, il avait une vision que tout le monde doit passer par les mêmes étapes, en quelque sorte, hein, que le modèle de la Révolution française ou que le modèle de l'agriculture capitaliste à l'anglaise allait s'imposer partout. Après, il comprend que les choses sont quand même beaucoup plus compliquées, que les trajectoires varient beaucoup selon les situations. Et il va comprendre surtout que dans des pays qui sont à la périphérie du système, et c'était le cas notamment de la Russie, qui abolit le servage dans les années 1860, hein, donc qui sort de l'ancien régime, on va dire, très peu, hein, très graduellement et très tard, en réalité, les structures communautaires de la paysannerie, donc le MIR, la commune paysanne russe, sont encore très vivaces. Et cette commune, le MIR, en fait, signifie qu'au niveau du village, il y a périodiquement une redistribution des terres qui est décidée de manière collective, communautaire, et qui empêche donc les processus de privatisation, si on veut dire, des terres. Hein. Alors, les socialistes russes de l'époque s'orientent massivement vers un socialisme paysan, un socialisme qui s'appuierait sur la paysannerie et qui permettrait à la Russie de passer au socialisme en faisant l'économie de l'étape capitaliste. Et alors, à la grande surprise de pas mal de marxistes contemporains, en réalité, Marx est assez attiré par cette perspective, et dans les dialogues qu'il a avec les socialistes et les révolutionnaires russes de l'époque, il leur dit « Ok, en effet, en s'appuyant sur les structures de la communauté russe, on peut accéder au socialisme à condition qu'il y ait une jonction entre une révolution russe et une révolution dans d'autres pays européens, que les deux donc convergent, et que cette révolution russe puisse bénéficier des bienfaits et des acquis de la modernité aussi, hein, notamment des acquis de la modernité technique. C'est-à-dire l'idéal de Marx n'est pas de revenir à une forme de société primitive paysanne, mais de s'appuyer sur des formes collectives paysannes pour aller vers une société socialiste égalitaire en faisant l'économie de l'industrialisation capitaliste, une sorte de voie non capitaliste vers le développement. Merci, c'est très intéressant de savoir que Marx lui-même a évolué concernant la paysannerie. Vous avez du coup beaucoup éclairé Stathis Kouvelakis, vous qui êtes un philosophe spécialiste de Marx, vous avez beaucoup éclairé sur le problème traité ce matin dans cette émission de la gauche et des paysans. Merci aussi à Apolline Guillot et à Edouard Lynch qui étaient avec nous ce matin. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms qui réfléchit cette semaine au thème de l'actualité. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi la politique domine-t-elle l'actualité ? Ce que nous entendons par actualité, c'est d'abord, malgré tout, inévitablement, ce présent qui concerne vitalement notre corps, qui a des conséquences dans notre vie individuelle et collective, ce qui peut nous mener à la mort ou au contraire nous faire résister à la mort, ce qui peut nous mener aussi à la joie réelle. Ainsi, dans l'actualité, nous attendons des bonnes nouvelles, nous attendons des nouvelles, nous attendons de voir quel possible va se réaliser, sera-ce le meilleur ou le pire, faut-il être optimiste ou pessimiste. Mais ce ne sont pas seulement des catastrophes qui nous tombent dessus. Il y a évidemment, et ce n'est peut-être pas un hasard, quand nous ouvrons désormais plutôt notre téléphone que notre télévision, quand nous regardons des sites d'information, ce que nous entendons, ce que nous attendons d'abord, peut-être est-ce un mauvais signe, peut-être est-ce le contraire, ce sont des actualités politique. Évidemment, quand tout va bien, on pourrait se dire, le rôle du politique, c'est plutôt d'éviter de faire tout le temps l'actualité. L'actualité politique, c'est le conflit. L'actualité politique, ça peut devenir la guerre, c'est le désaccord. C'est aussi des enjeux interhumains, sociaux, des enjeux de pouvoir, des uns qui dominent les autres. Le politique domine l'actualité d'abord parce qu'il domine la vie, parce que le politique est une question de pouvoir, une question de domination. Et nous avons l'impression que quand tout va bien, le rôle du politique, c'est de réguler sa propre actualité, de telle sorte que nous puissions accéder à d'autres actualités, à la réponse aux actualités négatives et à, évidemment, le recours, l'intensité des actualités positives, des actualités joyeuses, culturelles, créatives et peut-être aussi dans l'intimité, nos actualités personnelles qui dépendent d'une certaine forme d'inactualité politique. Pourtant, ce n'est pas par hasard si le politique, peut-être depuis deux siècles, domine l'actualité. Si la lecture du journal, comme disait Hegel, est devenue la prière de l'homme moderne, le journal, ça n'est pas seulement les événements, ce sont aussi les discours, les opinions, et d'ailleurs, il faudrait mettre ce mot au pluriel, les journaux divergent sur l'actualité, il y en a même qui prétendent parler des valeurs actuelles, et ces valeurs actuelles dont ils parlent, ils en font des choix politiques très particuliers et souvent très violents. Pourquoi ? Parce que, précisément, ils veulent imposer leurs valeurs à l'actualité de tout le monde, alors que l'actualité politique, c'est le débat, c'est le désaccord, c'est la démocratie, c'est une diversité, personne ne peut s'approprier l'actualité. L'actualité est donc d'abord politique pour les êtres humains. Ce n'est pas comme s'il y avait des tremblements de terre, le réchauffement climatique, des drames terribles et aussi des nouveautés techniques, l'intelligence artificielle, les manipulations génétiques, et puis ensuite le débat, le désaccord, la discussion, la domination politique. Non, l'actualité nous parvient à travers des filtres politiques et l'actualité est d'abord parmi les êtres humains la réalisation des virtualités de paix ou de guerre, de justice ou d'injustice, qui ne sont pas secondaires, qui sont le cadre pour toutes les autres actualités du monde. Entre une vision, disons, événementielle de l'actualité et une vision essentialiste de l'actualisation de possibles qui certes existent dans la virtualité générale des êtres humains et du monde, il y a d'abord l'actualité relationnelle, le cadre que nous construisons ensemble pour partager nos actualités et qui peut nous permettre de vivre, d'actualiser nos possibles heureux, de résister à l'actualisation des risques du monde, mais sans lequel rien ne peut se faire. Et quand le politique domine trop l'actualité, c'est mauvais signe, mais espérer qu'il disparaisse, c'est une illusion. Nous devons donc construire une actualité politique commune où l'actualisation de nos désaccords ne mène pas à la guerre. Merci Frédéric Worms. Les références des travaux de nos invités d'aujourd'hui sont sur le site d'Avec Philosophie. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast, vous le savez. Cette émission a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Alex Dang. Merci à Anna Fulpin qui m'a beaucoup aidée à la préparer et au reste de l'équipe d'Avec Philosophie. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.